2 A. Je m'appelle Luis, je suis argentin. J'aime voyager. En vacances, j'aime beaucoup faire du ski et sortir la nuit. Mais je n'aime pas du tout visiter des musées et faire du shopping. Je n'aime pas du tout ça. Pendant mes prochaines vacances, j'ai envie de connaître la Suisse et ses montagnes pour faire des randonnées en motoneige. B. Salut, je m'appelle Julien et cette année, pour les vacances, je pars à Bali. J'adore aller à la plage pour bronzer et me baigner. C'est pour ça que j'adore l'été. Bon, j'aime bien aussi faire des randonnées, mais je déteste voir des monuments historiques et ce genre de choses. C. Moi, je m'appelle Natacha. Pour mes vacances, je préfère voyager en avion, c'est plus rapide, et dormir dans un bon hôtel. J'adore visiter les musées et les monuments les plus importants des endroits où je vais. J'ai envie de connaître beaucoup de pays étrangers pour découvrir de nouvelles cultures. D. En été, je préfère les vacances calmes et en pleine nature. Aller à la montagne pour faire des randonnées et dormir dans un camping. J'aime pas du tout la plage, il y a trop de monde.